franceinter.fr. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui François Giroux, Une vie express. Émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Gérard Levoyer, réalisée par Cédric Aussire. François Giroux proclamait elle-même ne pas être une personne convenable. Ce qui est certainement vrai, son parcours semé de contradictions et d'apparents dérapages l'atteste. Qui était-elle en effet cette femme au sourire éclatant, au regard lumineux qui semble avoir fait de la rigueur un devoir? Une immense professionnelle du journalisme, une politique maladroite et déçue. Amie de François Mitterrand, c'est pourtant sous la présidence Giscard qu'elle accepta une place dans le gouvernement. Une grande amoureuse, une féministe, une mondaine à l'âme janséniste, qui peut répondre? François Giroux était un personnage animé d'une passion glorieuse et douloureuse, la fièvre d'être soi, pleinement et véritablement soi. Il lui a fallu de la rigueur et du courage, elle n'en manquait pas. Françoise Gourgi, devenue François Giroux, est née à Lausanne en 1916. Elle est issue d'une famille mi-russe, mi-turque. Enfance difficile dans une famille déclassée, perte prématurée du père, naissance non voulue en pleine guerre d'un fils qui finira par se tuer en montagne, deuil de sa sœur, de sa mère et de son dernier compagnon, Alex Graal, que de valises à porter. Judéité assumée seulement à la fin de sa vie, combats acharnés pour se faire une place dans la société en visant l'excellence, faites ce que vous voulez, mais soyez le meilleur, disait-elle à ceux qui lui demandaient conseil. Pas toujours tendre avec les autres, elle a été dure avec elle-même, sur les plateaux de cinéma notamment, et à la tête de la rédaction de Elle, créée avec Hélène Lazareff, puis de celle de L'Express avec Jean-Jacques Servan-Schreiber, où elle associa travail et passion amoureuse. Celle qui avait côtoyé tous les grands, Gide, Mauriac, Sartre, écrit des éditoriaux parfois impitoyables. Elle est encore cette petite fille blessée qui savait que son père s'était écrié le jour de sa naissance « Quel malheur, c'est une fille !» Alors elle a travaillé, travaillé encore, en gardant son inimitable part de féminité. Une psychanalyse avec Lacan ne l'avait pas guérie de ses blessures, mais lui avait rendu la vie plus que supportable, confiait-elle. Il lui avait ôté le poids d'une culpabilité. François Giroux disait aussi « L'écriture ne s'apprend pas, elle se travaille ». Elle a écrit plusieurs livres, dont vers la fin de sa vie « Ce que je crois » en 1978, « Les hommes et les femmes » avec Bernard-Henri Lévy en 1994 et son dernier ouvrage « Les tâches du léopard » en 2003, janvier 2003. François Giroux s'éteint. Pour poursuivre notre voyage dans la vie de François Giroux, nous recevons après la fiction la journaliste Michèle Cotin. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Françoise Giroux, Une vie express, de Gérard Levoyer. Réalisation, Cédric Aussire. Le 16 janvier 2003, à l'Opéra Comique, on donne La Belle et la Toute Petite Bête de Jérôme Savary, une comédie musicale légère et enlevée. Les gens sortent de la salle après les derniers applaudissements. Une vieille dame, portant des lunettes noires, s'adresse à son amie Florence Malraux. Cette petite Ariel Dombasle chante divinement bien. Et de plus, c'est une belle fille. Mon ami Bernard-Henri a beaucoup de chance. Ah, je me sens bien fatiguée tout à coup. Florence, allez chercher notre vestiaire. Je commence à descendre les escaliers. Oui. Je n'y vois guère avec ces lunettes. Je ne peux tout de même pas montrer à tout le monde mes yeux bleuis par ma chute sur le verglas. Je tombe beaucoup en ce moment. La carcasse est vermoulue. Quand je pense que l'été dernier, c'est devant la maison de Cézanne que je me suis étalée, on va pouvoir dire que sa peinture est renversante. Tiens, Alain Maigre. Cher ami, comment allez-vous? Vous avez passé une bonne soirée? Soudain, la vieille dame pousse un petit cri. Elle vient de perdre l'équilibre et tombe la tête la première dans le grand escalier de l'Opéra Comique. Vous pouvez respirer? Cette fois, c'est la bonne, je le sens. Le marbre des escaliers ne pardonne pas. Il exhale le froid des cimetières. Et je suis si friable. À temps chuté, la cruche finit toujours par casser. Si la mort me saisit cette nuit, je dirais merci, la vie. Je n'ai pas peur de mourir. Ce qui m'aurait paniqué, c'est d'être atteinte de toutes ces formes de sénilité. Moi qui écrivais en 2001, à 85 ans, je souhaite faire une sortie honorable. Voilà qu'à 86, je sors par la grande porte. Celle de l'opéra. Transportée chez elle, puis quelques heures plus tard à l'hôpital américain de Neuilly, Françoise Giroux sombrera dans le coma et décédera le 19 janvier. Je veux que, de ma dépouille réduite en cendres, on fasse de l'engrais pour les fleurs, de la poussière de femme pour nourrir les roses. Voilà une bonne façon de tirer sa révérence et de s'incorporer à la terre vivante, au lieu de ces boîtes où l'on enferme les morts comme s'ils étaient contagieux. Celle qu'on surnommait la panthère quittait la vie qu'elle avait tant dévorée juste à temps, avant de vieillir, avant la tristesse. Elle qui avait fait sienne la phrase de Paul Ricoeur, « La plus grande tentation, c'est la tristesse, la complaisance de la tristesse. Je suis gaie, quoique triste, triste, quoique gaie, et vivante jusqu'à la mort. » J'ai rencontré Françoise Giroux le 28 juin 1996. Je devais faire un article un peu vachard sur elle. Elle se traînait une telle réputation de tigresse. Finalement, après une heure d'entretien, nous sommes devenus les meilleures amies du monde. Et nous nous sommes revus souvent, parfois pour le simple plaisir de partager une blanquette de veau ensemble. On m'avait dit, tu verras, c'est une peau de vache. À François, on l'appelait la petite brune au sale caractère. Bien sûr, elle semble autoritaire. Mais en même temps, elle sait être aimable. Et son sourire est désarmant de gentillesse. Alors comme ça, vous venez pour faire mon portrait. C'était ma spécialité à François. Et voilà qu'à mon tour, on voudrait me raconter... Quelle curieuse destinée. Qui cela intéressera-t-il? Je ne représente plus rien pour les femmes d'aujourd'hui. Mais vous ne pensez pas ce que vous dites, de la coquetterie. Les Français vous adorent. À une époque, oui. D'ailleurs, ce n'était pas désagréable. Celui qui vous dirait le contraire serait un menteur. C'est agréable dans la mesure où ce n'est pas truqué. Vous savez bien que vous avez eu un parcours de tout premier plan dans le combat du féminisme. Oh, je déteste ce mot. Et encore plus les mouvements qui prétendent se l'accaparer. J'ai été, et je reste, une femme libre. C'est peut-être cela, et seulement cela, qui a pu donner l'envie aux femmes de s'émanciper. Ceci dit, quand je suis entrée à Elle, il est vrai que le journalisme féminin était encore englué dans une sorte de conservatisme. Les femmes n'avaient pas d'amants, n'avortaient pas, tous les enfants adoraient leurs parents et réciproquement, la vertu était toujours récompensée, surtout si on était bonne ménagère et qu'on se maquillait bien. Heureusement, Hélène Lazareff était un esprit ouvert et grâce à elle, j'ai pu adopter une certaine liberté de ton, une certaine optique qui a modernisé le magazine. Vous êtes une des premières à avoir parlé de la sexualité des femmes. Bien sûr. C'est important d'avoir une bonne sexualité pour le plein accomplissement de soi-même. J'espère que vous êtes satisfaite de la vôtre. Oui, pas de souci. Mais vous en avez parlé à une époque où ça ne se faisait pas. Non. On ne parlait que d'amour. Quand on aime, tout est permis, surtout dans le couple. Mais moi, je dis... Quand on n'aime pas, aussi. La fidélité n'est pas dans la nature humaine. Heureusement, on apprend aujourd'hui aux femmes qu'elle n'est pas non plus dans leur nature. Et la chasteté encore moins. Vous n'encouragiez tout de même pas l'infidélité? Non, bien sûr. Mais il n'y a pas de relation amoureuse sans épanouissement sexuel. Vous avez aimé beaucoup d'hommes? Ça, ma petite, c'est aller un peu vite dans l'intimité. Attendez que nous nous connaissions mieux pour poser ce genre de questions. Vous n'en avez pas d'autres? Si, bien sûr, excusez-moi. Mais ne rougissez pas. Il faut aussi assumer ses maladresses. Je ne voulais pas parler de l'amour physique. Je voulais... J'ai compris. Et je suppose que vous connaissez la réponse. Vous n'êtes pas venu me voir sans vous informer. Je sais 2-3 choses, en effet. C'est peu. Il faut préparer vos interviews. Camille, c'est ça? Oui. Reprenez du gâteau. C'est moi qui l'ai fait. Méfiez-vous, mon chat va manger dans votre assiette. Ça me dérange pas. Tant mieux, parce qu'ici, il a le droit. C'est mon goûteur. Il teste mes plats. Et s'il se lèche les babines, alors je sais que je vais me régaler. Tous mes hommes étaient beaux. Tous étaient bruns. Les blonds ne m'ont jamais attirée. Autant chez une femme, j'aime le spectacle de la blondeur quand elle est naturelle. Autant je n'aime pas toucher la blondeur masculine. Caresser une peau très blanche. Mon premier mari, Tolia. Anatole Eliachev. Bien. C'était un petit piège. Tolia était l'incarnation du charme. Le charme slave. Jean-Jacques. Servan Schreiber. C'était plus facile. Jean-Jacques était extraordinairement beau, gai et ardent. Une sorte de Robert Redford. Il lui manquait juste quelques centimètres pour être parfait. Et votre premier mari ? Je n'ai pas envie d'en parler. Il travaillait dans le cinéma, et moi aussi. La guerre a tout détruit entre nous. On dit que vous avez été amoureuse de Marc Allégret. Oui, je n'avais même pas 16 ans. Je débutais dans le cinéma et j'ignorais tout de ce milieu, tout des tournages, tout de la relation amoureuse entre Gide et Allégret. C'était un vendredi 13, une date particulière qui marqua plusieurs événements de ma vie. J'ai fondé l'Express le vendredi 13 mai 1953 et je l'ai quitté le 13 mai 1960. Ah, te voilà. Bonjour François. Bonjour. À moins que tu ne préfères Bouchon. Ah non, j'en ai assez de ce surnom. Pas ici, par pitié. D'accord, d'accord. Tu as déjà travaillé dans le cinéma, je crois. Oui, un peu. Comme comédienne ? Une heure et demie. Comment ça ? Oh, c'est une drôle d'histoire. Après mon école de dactylographie, on m'a envoyé chez monsieur de Baroncelli pour taper un manuscrit. Quand il m'a vu, il m'a demandé si ça m'intéressait de faire du cinéma. Il m'a raconté qu'il préparait un film, qu'il y avait un rôle de petite brune farouche qui m'irait comme un gant. T'as fait faire des essais ? Très peu. J'ai tout de suite été engagée. Je devine la suite. Un peu plus tard, j'ai lu le scénario. Et dès la première scène où j'apparaissais, sur une plage, on me voyait sortir de l'eau dans le plus simple appareil. Je lui ai rendu le scénario en disant que c'était pas pour moi. Et tu as bien fait. Ça t'aurait certainement pas mené bien loin. Ça l'a fait bien rire. Mais il m'a tout de même engagée comme script. Ouais, mais sans rien connaître au cinéma. En fait, j'étais plutôt bonne à tout faire. Préparer les loges, arranger un décor, parler aux acteurs entre les prises, faire le clap. Eh bien, et si tu ne seras pas dépaysée, tu feras la même chose. Et si tout se passe bien, je t'apprendrai le vrai métier de script. Bon, viens, je vais te présenter à l'équipe. Monsieur Pagnol, monsieur Rémy. J'ai fait mes premières armes sur le tournage de Fanny. L'ambiance du plateau me plaisait beaucoup, toute cette activité, cette urgence. Il y avait toujours quelque chose à faire dans la seconde, sinon on avait le sentiment que le monde allait s'effondrer. Et le rapport avec les acteurs ? Pas facile. Marcel Pagnol était quelqu'un de très agréable, très gentil. Un ange, comme je disais. En revanche, avec Rému et Freinet, c'était plus difficile. J'avais 16 ans et il me traitait comme une gamine sans importance. Parfois même, j'ai ressenti de la méchanceté chez eux. France, où est Rému ? Je ne sais pas. Je t'ai demandé de le faire venir sur le plateau, tout est prêt. Je lui ai dit qu'on l'attendait, mais... Eh bien, pourquoi n'est-il pas là ? Il m'a répondu qu'il n'avait pas d'ordre à recevoir d'une gamine. Quoi ? Et Freinet ? Il m'a demandé d'aller lui faire des courses en ville. Je lui ai dit que c'était pas dans mes attributions. Alors il m'a claqué la porte de sa loge au nez. J'y peux rien. Je fais de mon mieux, bon, mais... Bon, ça va, j'ai compris. Bon, viens, je vais te présenter Pierre Prévert, il va s'occuper de toi. Tu verras, il est présent. Et en effet, ça s'est très bien passé. Pierre Prévert me chaperonnait comme si j'étais sa fille. Et Marc Allégret, quand le tournage lui en laissait le temps, venait toujours prendre de mes nouvelles. Vis-à-vis de ma mère, il se sentait responsable. C'est au cinéma que vous avez commencé à côtoyer des personnalités. Oui, bien sûr. Gide en premier lieu. Je me suis occupée de son courrier pendant un temps. C'est Marc qui vous l'avait présenté ? Évidemment. Mais je ne savais rien de leur relation. C'était tabou. Personne n'en parlait. Tout d'abord, Gide m'a regardée comme un objet curieux, en se demandant ce qu'il pouvait y avoir dans la tête d'une gamine maigrelette comme moi. Alors il m'a testée et m'a demandé de ranger un livre de Sainte-Beuve, Port-Royal, dans sa bibliothèque. Et alors ? Où l'auriez-vous rangé, vous? Dans les S. Bravo. C'est ce que j'ai fait. Et je l'ai entendu dire dans mon dos, si vous l'aviez rangé à B, vous n'auriez pas fait mon affaire. Ensuite, Gide s'est comporté comme un gentil papa avec moi. Il m'emmenait au cinéma, me présentait à des écrivains comme Malraux. J'étais fascinée. Et Marc? J'en étais amoureuse. Mais vraiment amoureuse. Au point d'en être jalouse comme une tigresse. À un moment, il s'est un peu éloigné de Gide parce qu'il commençait à apprécier les femmes. Surtout une petite starlette, j'ai oublié le nom. Je crois qu'il s'agit de Simone Simon. Peu importe. Je le voyais roucouler au téléphone. Ou jouer le séducteur quand elle passait sur le plateau. J'étais verte de rage. Un jour, ça m'a tellement agacée, j'ai pris un vase et je l'ai jeté sur le sol en hurlant. Et il vous a viré? Non. Il m'a regardée en riant. C'était pire. Je sentais que je n'avais aucune valeur de femme à ses yeux. Je n'étais qu'une gosse. Venons-en au journalisme, si vous le voulez bien. Françoise Giroux est née France Gourdji le 21 septembre 1916 à Lausanne, d'un papa turc qui la laissa tomber sur le parquet tant il fut déçu d'avoir une fille. Longtemps, la petite France voulut être un garçon. Très vite, à la mort de son père, pour subvenir aux besoins de la famille, elle se met à travailler. C'est le cinéma. Puis pendant l'occupation, à Lyon, elle pousse la porte d'un hangar où s'est réfugiée l'équipe de Paris Soir. J'avais apporté avec moi un carton avec trois histoires sentimentales de ma composition. Et dès ce premier rendez-vous, Hervé Mille, le directeur, m'en a pris deux. Puis il me dit « Vous voyez cette planche posée sur des tréteaux ?» Je lui réponds « Oui ». Il me dit alors « C'est mon bureau, installez-vous sur un petit coin, vous êtes engagé. » J'y suis resté 6 mois. C'est là que vous écriviez sous le pseudonyme d'Albande. Bravo, vous avez bien potassé. Oui, et c'est là que j'ai tout appris. J'écrivais même des brèves sur la vie mondaine qu'on appelait la vie parisienne, alors qu'on était à Lyon. Mais vous êtes parti en 1942. Pourquoi? Ah, ça, ma petite. Je peux bien vous le dire maintenant, tout le monde le sait. J'étais enceinte. Et je suis repartie à Paris pour accoucher. Je ne me sentais pas très maternelle, vous savez. Alors j'ai confié mon fils à ma mère et je suis retournée travailler dans les studios de cinéma. Et c'est en 45 que vous revenez au journalisme? Oui. Hervé Mille me présente à Hélène Lazareff qui revient des États-Unis où elle s'était réfugiée avec son mari et tout de suite c'est le coup de foudre. Elle était tellement vive, passionnée. Elle apportait la vie, la gaieté, l'optimisme. C'était un petit oiseau. Hélène était comme ça, un petit oiseau d'acier. Vous restez 8 ans à elle? Oui, de 45 à 53. J'y passais jusqu'à 12 heures par jour. Et c'est là que vous façonnez le portrait de la nouvelle femme française. Bon, c'est un bien grand mot. Disons que je les encourageais à cesser de n'être que l'ombre de leur mari. La fameuse phrase « Il n'y a pas de femme forte ». Il n'y a que des hommes faibles. Oui, si, avec ça. En mars 44, les femmes françaises obtiennent enfin le droit de vote. Bien après l'Australie, la Finlande, la Norvège, le Luxembourg et même l'Albanie, la Mongolie, l'Équateur. J'écrivais. Vous ne faites pas de politique, nous non plus. Et pourtant, nous en faisons grâce à la petite carte bleue que nous venons d'obtenir et que nous rangeons entre les tickets d'alimentation et la carte de textile. Alors servez-vous-en. Comme disait de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Exactement. Et on le devient en se battant sur tous les fronts. Je donnais des conseils, mais je ne faisais pas la morale. Par exemple, je proposais des tests psychologiques, je retraçais le parcours de femmes exceptionnelles. Et les fameuses enquêtes, comme celle de 1951, qui bousculait un tabou, les Françaises sont-elles sales? C'est vrai. Et si on en venait à L'Express, votre rencontre avec Jean-Jacques Savon-Schreiber? Françoise Giroux est devenue une des reines du tout Paris. On l'invite beaucoup à dîner en compagnie de personnalités des arts et de l'édition. Un soir de novembre 1951, elle se rend à l'invitation de René Julliard et se retrouve à table entre Mauriac et Servan Schreiber. Pour compléter mon enquête, j'ai voulu rencontrer Madeleine Chapsal, qui était l'épouse de Servan Schreiber et qui assistait aussi à ce fameux dîner. À 27 ans, Jean-Jacques Servan Schreiber, qui est mon mari depuis 4 ans, est déjà éditorialiste en politique étrangère au Monde. Il a, chevillé au corps, l'ambition de fonder son propre journal. Dans les salons cossus de cet hôtel particulier de Saint-Germain-des-Prés, il sait que les invités sont du sérail. Et pendant le cocktail, il va de l'un à l'autre pour nouer des contacts. Mais il ne sait pas encore que cette petite femme brune de 35 ans au teint mat est la rédactrice en chef de Elle. Très vite pourtant, il remarque qu'elle ne le quitte pas des yeux. Ce séducteur averti en quête d'appui se laisse happer par son magnétisme. Je reste à l'écart, étendu sur le sofa en velours, à cause de cette fichue tuberculose qui m'empêche de me tenir debout trop longtemps. Et vous avez tout de suite remarqué cette attirance ? Presque. Pendant que Jean-Jacques lui parle, je sens son regard m'effleurer. Je fais remonter ma jupe un peu plus haut d'un mouvement de jambe. Il lève sa coupe de champagne dans ma direction, tandis que François Giroux a toujours les yeux rivés sur lui. Nous passons à table. Jean-Jacques fait changer les plans de notre hôtesse pour être aux côtés de Françoise. Comme toujours, il obtient gain de cause. À la fin du dîner, nous regagnons notre voiture, garée sous la porte cochère. Jean-Jacques démarre en trombe. Je ne m'inquiète pas, je suis habituée. Je me dis, un reste de brusquerie acquise pendant la guerre où il a été formé comme pilote de chasse. D'habitude, nous bavardions de la soirée, des invités, de tout ce qui s'était dit. Mais là, juste... Ça va ? Tu as passé une bonne soirée ? Puis plus rien. Jusqu'à ce qu'au premier feu rouge... Qui est-ce ? La brune du magazine Elle. Elle n'a pas de nom ? Giroux. Françoise, je crois. Regarde-moi ce bolide. Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne vas pas la poursuivre ? Elle m'a fait une queue de poisson, tu as bien vu. Jean-Jacques, arrête ! C'est dangereux. Si tu crois que je vais me faire doubler par une femme... Tu me fais peur, je t'en prie. Tu vas trop vite. Tu es inconscient. Penses-tu, je maîtrise. Et hop ! Voilà. Ils se sont doublés une bonne demi-douzaine de fois jusqu'à ce qu'on arrive à notre domicile. Premier. On aurait dit deux gamins qui jouaient aux gendarmes et aux voleurs. Elle conduit bien. Tu trouves pas ? Le lendemain, il lui faisait livrer des roses. Jean-Jacques n'a jamais eu beaucoup d'imagination. Avec toutes ses maîtresses, il agissait de même. Bouquets, restaurants, hôtels, bracelets, les mêmes pour chacune d'entre elles. J'ai tout de suite su que Françoise serait une histoire à part. Vous voulez dire plus que les autres ? Oui. Une passion musclée. Elle était tout ce qu'il recherchait. C'est-à-dire une femme forte, débordante de vitalité, de joie, d'idées. Vous vous étiez mariée en 1945 ? Oui, c'est cela. Après, nous sommes partis au Brésil. Et est-ce vrai que vous vous êtes occupée d'un hôtel ? Oui. Jean-Jacques ne savait pas encore vers quoi se diriger. Mais en revenant en France, il était décidé à avoir son propre journal. Comme son père. Chaque soir, Jean-Jacques rentrait dormir à la maison. Mais c'est avec Françoise qu'il passait ses journées. Et c'est comme ça qu'ils ont élaboré les bases de l'Express. Tout d'abord, il l'a emmené écouter Bain de France. Il sortait de ses conférences totalement enthousiaste, puis en parlait pendant des heures en soupant. On dirait que chez Mendès France, la conscience est une sorte de troisième poumon à son existence. Ce qu'il veut, c'est la fin de la 4e République, la fin des stratégies d'alliance qui sont des compromissions. Oui, la concession, la poignée de main, l'accommodement à celui qu'on méprise, le compliment que l'on ne pense pas. On dirait qu'il ne peut s'y résoudre. C'est exactement ça. Il vit moralement comme un homme qui refuserait d'installer le chauffage chez lui en pensant « Si j'admets cette chaleur artificielle, j'oublierai qu'il fait froid dehors. » Oui, oui, oui. Tu as parfaitement raison. En dépit d'une certaine courtoisie, Mendès France est un homme gênant qui montrera toujours la porte étroite. Qui plus est, qui l'emprunte. Il parle vrai. Oh. Comme je suis fier de toi. Nous nous comprenons. Tu es ma reine. Ma petite reine. Jean-Jacques revenait exalté de ses rendez-vous avec Françoise. Moi, je faisais semblant de ne rien remarquer, sachant que pour lui, il n'y avait que sa carrière qui comptait. Il me parlait de ses éditoriaux dans Le Monde et dans Paris Presse, dont il avait plus cassé. La presse est entre les mains des mondains, des nantis. Il faut que ça change. On donne un grand coup de balai là-dedans. Tu penses à quoi ? Un journal nouveau, plus court, avec plus de photos, des encadrés, des légendes explicatives. Il faudrait que d'un coup d'œil, on devine ce qu'on va trouver à l'intérieur. Tu vois, un journal qui se lise comme une bande dessinée. Parle-en à ton père. Il a son propre journal et te conseillera utilement. Il voudra en faire un supplément aux Échos. Ce n'est pas ce dont j'ai envie. Contrairement à l'image de séducteur et de fonceur qu'il donne, Servan Schreiber est un homme qui doute, et qui doute d'abord de lui. Seul, il tombe parfois dans la mélancolie, l'incertitude. Il ne se sent ni la force, ni le courage d'entreprendre. Cette force et ce courage, il va les trouver chez Françoise Giroud. Mon amour, je suis désireux de partager l'essentiel de ma vie, de mes passions, de mon énergie avec vous. Votre rencontre me donne le calme et la résolution dont j'ai toujours manqué. Je ne saurais dire quelle fut sa part et quelle fut la mienne dans le développement du journal, dans les faux pas comme dans les démarches heureuses. Je sais seulement que je ne pouvais pas fournir plus de travail, consacrer plus de temps, user plus de patience et de force. Tout s'est terminé quand Servan Schreiber a rencontré une autre femme. Je ne pouvais pas lui donner d'enfant à cause d'une fausse couche, sa femme non plus. Il a divorcé de Madeleine et a envoyé des roses chaque jour à la nouvelle élue. Et vous, des lettres anonymes ? Vous êtes une petite insolente. Vous n'irez pas loin si vous traitez l'information comme ça. Il faut vérifier, vérifier, vérifier. Je n'ai jamais envoyé la moindre lettre anonyme. Mais pourtant, elles ont existé, ces lettres. Et du jour au lendemain, vous avez quitté l'Express ? Je ne supportais plus de voir l'homme que j'aimais s'éloigner de moi. Cela m'était devenu odieux. Vous pouvez comprendre cela, mademoiselle. Servan Schreiber vous a demandé si vous étiez l'auteur de ces lettres ? Il me l'a demandé. Et je lui ai répondu que je savais qui en était l'auteur, mais que je ne le lui dirais jamais, puisqu'il avait l'audace de faire porter les soupçons sur moi. Françoise Giroud quitte donc le journal le 13 mai 1960 et s'enfonce peu à peu dans une grande dépression. Servan Schreiber, lui, mène de front et son divorce et son remariage avec une jeune stagiaire, Sabine Beck de Fouquières, qui lui donnera les enfants qu'il désirait tant. Plusieurs jours passent sans que Françoise ne donne de nouvelles. Devant ce silence, Jean-Jacques décide de se rendre à son domicile. La porte est blindée. Alors Servan Schreiber ordonne aux pompiers. J'avais pourtant bien fait les choses, tourné tous les verrous, barricadé ma chambre, pris la bonne dose de Véronal, débranché le téléphone. Un jeudi, c'était un bon jour pour mourir. Jour de bouclage des magazines. Oui, je ne sais parler que de cela. Vous en avez beaucoup voulu à Jean-Jacques Servan Schreiber ? Ma petite, il faut savoir clore une interview. Je crois que nous sommes arrivés à son terme. J'ajouterai simplement qu'il est indiscret de raconter ses amours. On est toujours deux à qui ils appartiennent. Alors je dirais seulement que 10 années de passion partagée se sont terminées sans cris, sans pleurs, sans reproches. Cette séparation ne m'a pas été douloureuse, elle m'a été intolérable. Si seulement j'avais pu lui en vouloir, le maudire, lui imputer quelques vilenies. Mais je n'avais rien à lui reprocher. C'était moi la coupable. Coupable de n'avoir pu lui donner d'enfant et insuffisante parce que je ne lui suffisais plus. Merci, madame. Une seconde, Camille. Je vais vous faire un petit cadeau. Et nous en aurons alors fini. Je vais vous montrer une lettre que Jean-Jacques m'a envoyée. Il était dans le Djebel, pendant la guerre d'Algérie. J'étais venu le rejoindre 2 jours, et surtout 2 nuits. Et quand j'étais rentré, il m'avait écrit. C'est cela que je veux garder dans mon cœur, le reste de ma vie. Mon amour, je vous vois de loin, et c'est comme dans un rêve, puisque je suis dans un monde si lointain. Et dans ce rêve, vous me plaisez.

Bonjour Michel Cottard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez débuté votre carrière de journaliste politique à Combat, ou pigiste. Vous obtenez la première interview événement de François Mitterrand depuis l'affaire de l'Observatoire. Puis à l'Express, où vous êtes embauché par François Giroud, précisément. Vous avez ensuite collaboré au magazine Le Point, à France Inter de 1976 à 1981, à RTL, j'en passe. À la fin du mois de juillet 1981, vous êtes nommée présidente de cette maison, Radio France. Vous avez été présidente également de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, l'ancienne CSA, puis directrice de l'information à TF1 et directrice de France 2. On s'arrête peut-être. Non, allez, encore un petit peu. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur la politique, dont les carnets secrets de la Ve République. Votre dernier livre s'appelle Le Monde selon Mitterrand. Il est paru aux éditions Taillandier en 2015. Et même si votre modestie doit en souffrir, je suis allé jusqu'au bout. Bon, alors, je ne suis pas celle que vous croyez, je suis une saltimbanque. C'est ce que disait d'elle-même François Giroud. Alors, qui était-elle, finalement ? Oh, c'est compliqué. Non, choisissez. C'est compliqué. Alors, je vais vous dire, moi, ce que je choisis surtout, après avoir entendu la fiction, qui est tout à fait à laquelle on ne peut rien reprocher, c'était quelqu'un qui travaillait, voilà. Quelqu'un qui animait des équipes. C'est quelqu'un pour qui le métier était très important. Elle le dit d'ailleurs, à un moment donné, elle passe 12 heures par jour à elle. Mais moi, je l'ai toujours connue passant 12 heures par jour à l'Express, toujours. Et c'est quelqu'un qui aimait écrire, qui travaillait beaucoup son écriture. Je me rappelle, quand elle faisait son éditorial, là, le fameux « Tirer sur une ambulance ». Quand elle faisait un éditorial, c'était en principe une cinquantaine de lignes, c'était un court éditorial, mais elle le travaillait toute la journée. On entendait sa petite machine à écrire à l'époque, comme ça, gazouiller pendant qu'elle tapait, et ça durait longtemps parce qu'elle travaillait beaucoup. Voilà, elle travaillait beaucoup, et en même temps, elle avait une vraie technique du travail. Moi, je suis assez contente d'en avoir finalement profité, parce qu'après, elle l'a écrit, les leçons à des journalistes, elle l'écrit, mais moi, j'ai eu la chance de vivre ça avec elle, et directement, elle savait donner des conseils pour... Elle ne refaisait pas seulement un papier, par exemple, quand elle aimait pas un papier. Elle ne le refaisait pas seulement. Mais elle vous expliquait pourquoi elle le refaisait. Et comment. Et comment il fallait mettre le deuxième paragraphe en premier, parce que le premier paragraphe, ça sert jamais à rien. Bon, vous voyez, j'ai bénéficié de ces leçons de journalisme. Et pour moi, François, en dehors de l'attachement profond que j'avais, que j'ai gardé pour elle, c'était aussi un vrai pro, quoi. Mais alors, on dit aussi qu'elle pouvait être terrible, cassante, dure. Oui, moi, écoutez, on m'a dit ça, en tout cas, avec moi, jamais. Voilà, avec moi, jamais. Elle avait aucune raison d'être particulièrement plus gentille avec moi qu'avec les autres. Peut-être qu'elle ne passait rien à personne. Voilà, ça c'est sûr. Je l'ai vu, effectivement, dans certaines circonstances, à l'Express, ne pas supporter quelque chose et le dire immédiatement. C'est avec son sourire radieux, un sourire qui illuminait son visage, mais ce qu'elle disait était très dur si on avait fait une faute. Mais si finalement on n'en faisait pas tellement, si on faisait le mieux possible, eh ben, c'est quelqu'un qui était très gentil. Voilà. Alors, souvent, comme les gens qui peuvent être malheureux, exigeants... Malheureux, mais gentils. Ah, on y arrivera, malheureux. Souvent, comme les gens sont souvent exigeants avec les autres, sont, enfin on l'espère, exigeants avec eux-mêmes. C'était le cas. Et c'était le cas. Et on l'a entendu tout à l'heure dans l'archive, quand elle dit de Chaban, on ne tire pas sur une ambulance, elle le regrette, parce qu'elle dit que cet homme-là était foncièrement bon. Et ce qu'elle dit entre les lignes, ce que j'ai cru comprendre, c'est que quelquefois les journalistes ne savent pas résister à une bonne formule. Non, c'est pas ce qu'elle dit. Non. Elle dit qu'il n'y a pas de bonne formule si ça ne correspond pas à quelque chose de vrai. Or, elle dit, c'est pas Jacques Chaban-Delmas que ça attaquait. C'était la situation. Et la situation, c'est vrai, c'était le gaullisme, pour une fois, défait par un jeune homme qui n'avait pas de troupes derrière lui, qui était presque tout seul, et qui a emporté la victoire. C'est ça que ça voulait dire. C'était, effectivement, t'avais l'impression que derrière, Jacques Chaban-Delmas se traînait, quoi. Bon, ça n'a rien à voir avec lui. Mais je trouve que c'est vrai que ce que vous dites est aussi vrai. Là, en l'occurrence, oui, il y a une explication qui est plus large que ça. Mais c'est vrai, quand on a trouvé un truc comme ça, ben on le dit. Écoutez, voilà, c'est notre métier. On le dit. Et quand on a la chance, surtout, de trouver des formules de ce genre, tout le monde n'y arrive pas. C'est clair. Puisque vous me parliez de Giscard et du regard qu'elle portait sur lui, donc manifestement elle était admirative, que ce jeune homme élégant fasse tomber le gaullisme avant que les socialistes arrivent, est-ce que ça, c'est ce qui explique qu'elle ait dit oui à un ministère sous Giscard alors qu'elle était proche de Mitterrand? dans les idées. Non, plus de Mendès. Proche. Plus de Mendès, hein. Proche, non. Pas proche, non, dans les elle idées. Était justement tellement proche de Mendès qu'elle, ni Jean-Jacques ni elle, ni Jean-Jacques Savant-Schreiber ni elle, n'ont jamais cru vraiment à Mitterrand. C'était un succès d'année, à la rigueur. Ouais. Mais jamais le Pierre Mendès France qu'ils avaient aimé et qu'ils avaient fait exister. Hein, ça, si, c'est ma conviction. Pierre Mendès France a beaucoup existé à cause de Jean-Jacques Savant-Schreiber et de Françoise Giroud. Donc, François Mitterrand était sûrement quelqu'un qu'elle connaissait. Mais politiquement, ça n'était pas sa tasse de thé. En revanche, le côté réformateur qui a toujours été, et celui de Jean-Jacques Savant-Schreiber, et celui profondément de l'Express, mais tant que l'Express est un journal réformateur, oui, plutôt à gauche, mais pendant la guerre d'Algérie, et plutôt réformateur après. Donc, effectivement, là, pour le coup, Giscard, c'était sa tasse de thé. Giscard. L'avortement, la majorité à 18 ans, enfin, ouais, ces idées-là, c'était celle de François Giroud. Elle y a adhéré. Elle y a adhéré complètement. Mais quand elle dit qu'elle n'est pas féministe, hein, c'est vrai qu'elle n'était pas féministe. Elle n'est pas pour la cause des femmes, elle est pour l'égalité des hommes et des femmes, naturellement, je veux dire. Elle n'est pas une militante de la cause féminine, mais elle a très bien défendu la condition des femmes quand elle était ministre. Alors, je crois que oui, pendant les deux premières années, Giscard a vraiment représenté quelque chose pour l'équipe, sauf que Jean-Jacques Savant-Schreiber, comme vous le savez, a été au gouvernement. Très vite. On est parti Météor. Assez vite, Météor. Et donc, au fond, elle a remplacé Jean-Jacques au gouvernement. Ouais. C'était un peu dans... Quelque part, ça ne devait pas lui être désagréable. Alors, dans le tourbillon de sa vie, il y a Jean-Jacques Savant-Schreiber, puisqu'on en parle. Quelle est la nature de cette relation qui est à la fois probablement une relation amoureuse, enfin c'est leur vie, ça les regarde, mais une relation professionnelle, ouais, une relation politique aussi. Une relation de travail très très serrée, comment vous dire. Elle était très contente que Jean-Jacques finalement se lance dans la politique. Après, ça n'a pas exactement marché comme il voulait, mais c'était, comment vous dire, c'était un couple parfait. Un couple mythique, couple mythique d'abord, ouais. Et puis qui partageait tellement de choses ensemble, qui partageait pas seulement, moi je n'ai jamais rien su de leur relation amoureuse, puisque je suis rentrée à l'Express après que Jean-Jacques se soit remarié, mais enfin c'était, même à ce moment-là, ils se comprenaient à demi-mot, elle savait tous ses défauts, elle adorait ses qualités, et donc il y avait une sorte de jeu à la fois tendre et... professionnels entre eux. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé d'entendre Françoise me dire « Ah, qu'est-ce qu'il est encore allé me mettre comme titre à son papier ?» Et elle arrivait, elle changeait le titre. Et « Qu'est-ce qu'il est encore allé me faire ?» Vous voyez, c'était plutôt ce genre de tendresse-là. C'est-à-dire une tendresse un peu acide par moment, mais aussi très reconnaissante des qualités de l'autre. Alors c'est aussi un couple... Quand je dis couple parfait, je l'ai dit naturellement à dessein, parce que tout le monde pourrait me démontrer que c'est un couple terrible, qu'elle a failli laisser la vie et tout. Mais c'est ce que j'appelle un vrai couple, quoi. Voilà, c'est il y a quelques couples mythiques, il y a Sartre et Beauvoir, et ben il y a Jean-Jacques et Françoise. Alors couple mythique, c'est qui dit aussi couple qui fréquente le tout Paris, les soirées, un livre formidable, une espèce de Dolce Vita, peut-être un peu loin des idéaux du journalisme engagé dont elle se réclamait. Écoutez, c'est pas tellement vrai. Elle avait bien sûr des dîners, elle était invitée partout, elle pouvait aller partout. Mais moi, en tout cas, je sais que la période où je suis restée à l'Express, et je peux vous dire que ça a duré longtemps, on se retrouvait plutôt à 9h du soir sans dîner. Hein, et on allait dîner au bar du coin. Je ne dirais pas que c'est une mondaine, je pense même profondément le contraire. François Giroud, une vie express, Michel Cotard. Tiens, on pourrait dire aussi Michel Cotard, une vie express. On va parler de François Giroud, on va continuer dans quelques minutes. Just a little bit, mister. Just a little bit. Michel Cotta, on va continuer de parler de Françoise Giroux, sa vie de journaliste prenait beaucoup de place, hein. Vous l'avez dit, elle travaillait 12 heures par jour. Elle aimait citer François Mauriac, qui lui avait dit « Je serai tout entier dans le moindre article comme Picasso dans un seul dessin ». Ça, c'est aussi sa vision du journalisme, être tout entière dans un article. Oui, je pense que c'est... On ne peut pas dire ça de tous les articles. Il y a des articles qui sont des reportages, il y a des articles dans lesquels on ne met pas tout de soi-même. Mais généralement, quand on fait un éditorial, on essaye de mettre tout, de mettre ce qu'on pense, en tout cas. Et même, elle le disait assez bien, elle aussi, au fond, on ne sait ce qu'on pense qu'au moment où on écrit. Sinon, ça reste qu'un peu... on s'accommode avec soi-même, on s'accommode. Mais quand on est obligé d'écrire, là, on met effectivement beaucoup de soi. Alors, dans son parcours, il y a ce conflit avec Raymond Aron, qui s'est opposé à ce qu'elle revienne à l'Express après son aventure gouvernementale. C'était ce conflit était de quel ordre? Est-ce que c'était dans l'esprit d'Aron? On peut pas être à la fois dans l'observation des faits politiques et un acteur de la politique? Oui, ça doit être ça. Ça ressemble à ça. Enfin, avouez que de sa part, qui a tellement influé sur la politique, des hommes puissants, des chefs de gouvernement, etc. Bon, je trouve qu'effectivement, il n'était pas entré dans un gouvernement, mais enfin, il en avait inspiré tellement. Donc ça m'a toujours un peu étonné comme prétexte, quand même. C'était quoi, alors, la vérité? Oh, la vérité devait être banale, il ne l'aimait pas, je pense. Ou il trouvait qu'elle avait trop sacrifié à l'air du temps. Alors, ça nous renvoie aussi... Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas sacrifié non plus. Alors, ça nous renvoie aussi la fonction du journalisme à celle de l'éditorialiste, parce que quelquefois cette fonction-là est quelquefois mal perçue par le public, qui se dit mais enfin, t'es un journaliste, il devrait nous informer, nous dire voilà, il se passe ça. Alors bien sûr que les gens sont aussi à la recherche d'une quête de sens, hein, qu'on leur donne le sens, pas que des faits. Mais souvent il y a ce réflexe, l'éditorialiste, il nous dit ce qu'il pense, oui, ça n'engage que lui. Oui, c'est quoi la fonction de l'éditorialiste aujourd'hui? C'est lié à la presse écrite, quand même. À partir du moment où il y avait une grande diversité de presse écrite, c'était normal que l'éditorialiste du Figaro donne ses idées sur les événements, et puis que celui de l'Humanité donne le contraire. Mais après, là où ça a commencé effectivement à changer, et où beaucoup d'auditeurs et téléspectateurs ont dit « Ah, mais on n'a pas besoin d'éditorial, on n'a pas besoin qu'on vienne nous expliquer ce qu'il faut penser », c'est le côté œcuménique forcé de la télévision, qui doit plaire à tous les publics. Donc si on fait un éditorial, on perd forcément une partie du public. C'est souvent dans les radios commerciales, c'est la même chose. Je ne cite pas France Inter. Donc c'est vrai que ça paraît plus surprenant à partir du moment où un média est plus large. Donc vous n'êtes pas dans cette formule voilà, qui ne correspond pas à la réalité, à l'anglo-saxonne, on sépare les faits du commentaire, parce que c'est quand même quelque chose qu'on essaie de nous inculquer. Parce qu'ils séparent les faits du commentaire, franchement, les presses tabloïdes anglaises, autant qu'elles séparent les deux, franchement. On est d'accord. Non, je crois qu'on peut, on peut faire les deux. On attendait avec curiosité, impatience, les éditos de Françoise Giroux dès lors qu'un événement politique important se passait. C'était vraiment, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'elle va en penser? Mais il n'y avait pas seulement la politique, à vrai dire, parce que sur la politique, bon, elle était formidable. Mais il y avait, elle s'intéressait aux mœurs, aux faits de société, comme peu de gens s'intéressent. Elle éditorialisait justement les faits de société, si vous voulez. Ça donnait de temps en temps des fulgurances formidables sur la société qu'on était en train de vivre. Et, ou en train de faire. Alors, la politique, c'est vrai que, bon, c'était son terrain privilégié, mais ça n'était pas son terrain unique. Et donc, c'était pas un journaliste qui s'enfermait dans sa petite bulle, c'était un journaliste qui flairait comme ça. Les choses qui allaient avoir de l'importance, qui auraient de l'importance, c'est la civilisation. Ça, c'est la fonction suprême du bon journaliste, c'est d'arriver à évaluer la trace qu'un événement qui vient d'arriver va laisser dans l'histoire. Ben voilà, je vais vous dire, François, c'était plutôt ça. Plutôt ça, ouais. Et quand même, c'est pas mal, hein. C'est vrai qu'il y en a peu. Hein. Alors, elle a écrit des livres, c'est un écrivain aussi. Que pensez-vous de ces livres? Il y en a beaucoup. Il y a des romans, c'est pas ce que je préfère. Il y a des biographies, que j'adore, qui sont vraiment biographies de femmes comme Alma Mahler et tout ça, qui sont formidables. Et puis, il y a ce qui est intermédiaire entre le journalisme et l'essai, c'est-à-dire ses conseils à une jeune journaliste qui est absolument formidable, et dont d'ailleurs s'est inspiré, je suppose, l'auteur de notre fiction. Oui. Donc, c'est plutôt des... Vous savez, je suis... quand on me dit mais vous n'avez pas de diplôme, alors qu'elle a dit un jour, je suis agrégée en vie. Alors, à la fin de sa vie, elle a dit, qu'est-ce que je demande? Ben, j'en sais rien. J'espère que ce n'est pas le respect, parce que ça m'ennuierait. Mais à mon âge, on ne sait jamais, hein, il y a un risque. J'espère que je saurai rester jusqu'au bout, une vieille dame indigne. Bon, c'est assez beau. C'est pas un peu surfait, un peu précieux, un peu trop écrit, presque vaniteux de dire cela? Non, je crois que vieillir pour elle est comme pour tout le monde, hein. C'est horrible. Elle souffrait beaucoup du vieillissement. Alors c'est une façon de dire on ne s'attache pas uniquement à la vieillesse présente, on essaye de laisser quelque chose. Alors effectivement, une vieille dame indigne, elle ne l'était pas tellement, elle ne l'était pas du tout même. Ah, alors pourquoi elle allait dire à des, elle allait à des... Parce que c'est... Il y a une préciosité là-dedans, non? Oui, enfin... non, c'est une épithète plutôt sympathique, surtout quand on l'est, digne. Ah, on aimerait bien avoir, c'est juste la petite frange qui fait qu'on s'inscrit à côté du lieu commun. On est indigne parce qu'on ne s'inscrit pas dans la même ligne que les autres. C'est ça qu'elle a voulu dire. Mais bon, elle n'était pas indigne, mais elle suscitait beaucoup le respect, même si elle dit que ça l'ennuie. Mais je suis pas tellement sûre que ça l'ennuyait, qu'on lui manifeste du respect. Et je pense surtout qu'elle se disait comment ça va finir tout ça. Elle n'était pas indigne, était-elle indignée? Je dirais, est-ce qu'elle regardait le monde avec une certaine distance intellectuelle, ou est-ce qu'elle était capable de d'indignation, de révolte humaine face à ce qui pouvait la choquer dans l'actualité? Il y avait ce côté profondément humain? Il y a ce côté profondément humain, mais quand même très... C'est quelqu'un qui n'a jamais fait de confidence, vous savez, qui n'aime pas l'exposition des sentiments, l'exposition des passions. Vraiment, c'était pas quelqu'un qui se confiait facilement ou qui parlait de ses petits problèmes. Donc, elle s'imposait au fond elle-même la même réserve qu'elle s'imposait pour les autres. Alors, sûrement, elle était, je me rappelle, pendant, il y a eu... un certain moment, mais quand l'Express venait de naître, un grand conflit ouvrier quelque part dans le Nord où elle a tenu à aller. Non, je pense que l'indignation n'était pas la première de ses vertus, que la première de ses vertus, c'était l'intelligence, le travail et le flair. Bien, merci infiniment Michel Cotta, et disons ensemble, vive la presse écrite, hein, qu'elle vive longtemps, voilà, malgré les menaces. Au revoir. C'était Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, François Giroux, Une vie express. Fiction écrite par Gérard Levoyer, réalisée par Cédric Ossir et Juliette Gou. Une émission proposée par Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Valentin Hazan.